Chapitre deuxième. Décidément, Samy tient à me convaincre. Il revient à la charge avec animation, exalte longuement les facultés des adeptes du fakirisme, me décrit avec un luxe de détails les prodiges qu'ils accomplissent, et me cite un grand nombre de faits que je ne puis m'empêcher de regarder a priori comme entachés de jonglerie. Je l'interromps. Tout cela est bel et bon. Mais je voudrais quelque chose de palpable, d'évident, se passant sous mes yeux et susceptible d'être contrôlé minutieusement. « Ordonne, » dit-il avec sa magnifique assurance. « Tu prétends que les fakirs, par la seule force de leur volonté, sont capables non seulement de faire germer une graine, mais encore d'en accélérer la croissance. Je l'affirme de nouveau. » De telle façon que la jeune plante, ainsi éclose artificiellement, se couvre en quelques heures de feuilles, de fleurs, puis de fruits. Oui. Et tu pourras en faire autant, ici même, devant nous, assurément. Mais quand? Un instant, si tu l'exiges. Soit. Choisis la graine. La place où tu veux qu'elle germe. Enterre-la toi-même, sans que je la voie, et promets-moi de ne toucher, une fois l'expérience faite, ni à moi, ni à la plante. Tu as ma parole. En arrivant à la clairière, j'avais eu l'heureuse chance de trouver un de ces petits ananas sauvages aux écailles dorées, à la pulpe juteuse, fondante, embaumée. Après m'en être régalé à mon dessert, j'avais, par une coutume touchante, habituelle aux coureurs des bois, creusé dans le sol un trou avec la pointe de mon sabre d'abattis et planté dans ce trou le petit bouquet de feuilles qui s'épanouit au sommet du fruit. Au bout de 6 mois, ce bourgeon aura grandi et sera devenue une nouvelle plante, portant un nouveau fruit qui, rencontré dans la morne solitude par un voyageur en détresse, lui sauvera peut-être la vie. « Tu vois, » dis-je à Samy, « ce petit faisceau de feuilles. Oui, maître, celle de l'ananas. Eh bien, produit, avec cette simple bouture, un ananas adulte portant feuilles et fruits. Oui, maître, » dit-il simplement, avec une assurance qui, je l'avoue, me déconcerte. « Maintenant, laisse-moi opérer mes préparatifs. C'est trop juste. » Il avise alors une grosse dame Jeanne en verre clissé d'osier, à peu près vide, car elle ne renferme plus guère qu'un litre de tafia, le reste de ma provision. Il la débouche, verse l'alcool de canne dans une calebasse et l'offre libéralement à ses compagnons qui l'absorbent sans se faire prier. La capacité de la bouteille, alors complètement vide, est d'environ 25 litres. Il la retourne, le fond en l'air, au-dessus des feuilles d'ananas, les insinue doucement une à une dans le goulot et appuie fortement sur le fond, de manière à imprimer dans la terre le goulot et à permettre au récipient de se tenir debout dans cette position renversée. Le petit bouquet se trouve donc enfermé dans un espace hermétiquement clos en haut et latéralement par le verre, en bas par le sol lui-même. Samy fait disposer ensuite les hamacs des deux noirs, celui de son compatriote Gros d'eau, et le mien en un carré dont la dame Jeanne occupe le centre, puis il ajoute. Les nuages couvriront tout à l'heure la lune, et l'obscurité sera complète. Maître, dirige sur la bouteille la lumière de ta lanterne. Bien, asseyez-vous maintenant sur vos hamacs et demeurez immobile. Il est alors 10 heures du soir. Samy, nous voyant en place, s'accroupit, les jambes repliées, étend horizontalement ses deux mains au-dessus de l'énorme bulle de verre, la contemple fixement et tombe, me semble-t-il, en une sorte de catalepsie. 1 heure. 2 heures se passent et l'hindou n'a pas fait le plus léger mouvement. Ses bras ont la rigidité du métal. Ses yeux, toujours fixes comme des perles d'acier bruni, scintillent sous les paupières immobiles. Le jeu de la respiration semble aboli, et sans les larges gouttes de sueur sillonnant sur sa face et son torse nu, je croirais la vie momentanément arrêtée. Mais je suis envahi bientôt par une étrange sensation de malaise, contre laquelle je réagis difficilement. Mes tempes sont serrées comme à l'approche du mal de mer. Les arbres, circonscrivant la clairière, la lune, les œufs massis sur leur hamac et formant sur la blancheur du tissu de grosses taches noires, tout cela commence à tourner au point que je sens le cœur me manquer. J'ai toutes les peines à retirer mon regard des yeux du fakir, immuablement dardé sur le clissage d'osier, et pour échapper à l'obsession, je m'allonge sur mon hamac. Bientôt je m'endors invinciblement d'un sommeil lourd, peuplé de cauchemars, tout en percevant de temps à autre des éclats de foudre qui ne peuvent m'arracher à cette torpeur. Un effroyable coup de tonnerre m'éveille enfin après un temps dont la durée m'échappe. notre campement, la clairière, les arbres, tout paraît en feu. Un palissandre monstrueux, broyé comme un fétu, s'écroule avec fracas, entraînant tout un pan de lianes. Et j'aperçois, à la lueur des éclairs, Samy renversé sur le sol et se tordant en proie à une épouvantable attaque de nerfs. Mes nègres se sont enfuis épouvantés à travers bois. Je tire de ma pharmacie de voyage un flacon d'éther et je le débouche sous les narines de l'hindou. Mais il est sans regard, sans volonté, sans souffle. Je donne le flacon à Lee et je pratique la respiration artificielle alternée avec de vigoureuses frictions. Honteux de leur pusillanimité, Morgan et Daniel reviennent enfin et me prêtent le secours de leur vigueur. Ce n'est pas sans besoin, car il nous faut plus d'une demi-heure d'efforts qui nous font suer sang et eau pour voir les spasmes cesser lentement et la respiration s'établir peu à peu. Samy, dont les yeux atones étaient restés sans regard, me reconnaît enfin, sourit et balbutie un remerciement. Pendant ce temps, l'orage s'est apaisé. Quelques coups sourds ébranlent au loin les couches d'air, mais au-dessus de nous, le ciel a repris sa sérénité. Et brusquement, de fauves rayons dorent la cime des arbres, d'où s'envolent en jacassant les aras, les toucans et les perruches multicolores. Le jour apparaît sans crépuscule, avec cette soudaineté particulière aux régions équinoxiales. 6 heures, m'écriai-je stupéfait. Comment diable ai-je pu dormir si longtemps? Et toi, mon pauvre Samy, que t'est-il donc arrivé? Rien de grave, maître. J'ai voulu remplir ma promesse, quoi qu'il pût advenir. Pardonne à ton serviteur un moment de faiblesse. Tu as réussi. J'ai réussi, mais j'ai failli périr. Tiens, regarde, dit-il en montrant orgueilleusement le récipient banal où s'est accomplie l'œuvre mystérieuse. La dame Jeanne occupe toujours sa position renversée, le goulot profondément implanté dans le sol. Je la saisis à deux mains et j'essaie vainement de l'enlever. Il y a là une résistance inexplicable. Celle des feuilles et du fruit opposée à celle de la racine, dit Samy, prévoyant une question. Cette assurance, décidément, commence à me troubler. Allons, il faut en avoir le cœur net. Avisons. Armé d'un sabre d'abattu, je me mets à trancher à petits coups le clissage d'osier et je découvre la grosse bulle de verre noirâtre dont l'opacité, comme pour exaspérer ma curiosité, m'empêche de distinguer le contenu. Plus ému que je ne voudrais en convenir, je frappe, avec le dos de ma lame, un coup vigoureux qui fait voler en éclats les parois de la bouteille. Je ne puis retenir un cri dans lequel se confondent la joie, l'admiration, la stupeur. Là où, 7 heures auparavant, il n'y avait qu'un humble bourgeon coiffé d'une vulgaire bouteille à tafia, un bel arbuste, jusqu'alors comprimé par une enveloppe trop étroite, surgit, s'échappe latéralement, s'épanouit et frissonne doucement au premier baiser du matin. C'est une sorte d'explosion silencieuse de feuilles dentelées, épineuses, d'un joli vert poussière, gracieusement disposé en rosette, et d'où émerge un splendide fruit d'or pâle, surmonté lui aussi de la couronne feuillue, embryon de la plante à venir. Et je reste émerveillé devant cette apparition déconcertante qui confond ma raison et me fait douter du témoignage de mes sens. Maître, le fruit est très bon, et tu peux le manger sans crainte, interrompt prosaïquement Samy, qui d'ailleurs a le triomphe modeste. Oh, laisse-moi l'admirer à loisir. Profondément implanté dans la terre par une racine tenace et vigoureuse, le végétal semble être âgé de 6 mois au moins, et l'on voit à la configuration du sol dur, épais, compact, qu'il est impossible de l'avoir transporté là par un artifice quelconque. Certaines de ces longues feuilles semblent avoir eu leur croissance gênée par le contact de l'enveloppe, car leurs nervures sont aplaties et déprimées par places. D'autres sont contournées et recourbées en sens inverse. Toutes enfin paraissent avoir poussé dans un espace trop étroit, et il n'est pas jusqu'au fruit qui ne porte, sur une de ces phases écailleuses, une légère dépression produite vraisemblablement pendant sa rapide expansion par ce même contact du verre. Et devant ce fait extraordinaire qui bouleverse tous mes raisonnements d'Européens attardés aux idées séculaires de notre vieux monde, je reste pensif, ne pouvant plus douter, n'osant pas conclure, et me demandant si je ne suis pas le jouet d'un cauchemar. Nous déjeunâmes d'un morceau de singe grillé, puis j'offris à chacun de mes compagnons une tranche du fruit mystérieux partagée en 6 parties égales. Avec une obstination qui n'était point exempte d'une terreur comique, les nègres refusèrent d'y toucher, bien qu'il exhalât une odeur exquise, Quant à moi, je le déclare volontiers, je n'en mangeais jamais d'aussi délicieux. Je mis de côté pour le rapporter en France le bourgeon terminal, aujourd'hui classé dans mon herbier. Puis, à 3 heures, quand la chaleur fut un peu tombée, nous nous remîmes en marche à travers la forêt, chacun chargé de son fardeau habituel, y compris Samy, qui, bien guéri de son indisposition, s'avance derrière moi, en serre-fil, portant sur sa tête ma caisse à munitions et en bandoulière mon fusil de rechange. Ainsi s'achève le miracle du fakir par Louis Bousnard.